bonsoir. Dans Autant en emporte l'histoire aujourd'hui, Pauline Viardot, la diva du romantisme. La jeune fille semble si petite, si fragile, quand le lourd rideau rouge du théâtre s'ouvre sur elle et qu'elle s'apprête à chanter. À peine 17 ans, mal fagotée dans sa robe blanche. Le tout Paris, elle le sait, est là, ce soir de 1838, avide de découvrir Pauline, la petite sœur de la Malibran, la diva adulée des romantiques, morte 2 ans plus tôt. Sera-t-elle à la hauteur ? Pauline, de toute façon, n'a pas le choix. Elle doit réussir. Elle était pianiste, qu'à cela ne tienne. Puisque sa mère l'exige, elle sera cantatrice. Incroyable destin que celui de Pauline Garcia, future Pauline Viardot. Fragile, elle va le prouver, elle ne l'est pas. Dotée d'un timbre de voix rare, si rude et si doux, dira Alfred de Musset, analogue à la saveur d'un fruit sauvage, d'une intelligence exceptionnelle. C'est la femme la plus géniale qu'il m'ait été donné de connaître, dira Clara Schumann. Pauline Viardot vivra toutes les passions du 19e siècle. Tour à tour et en même temps pianiste virtuose, chanteuse inspirant les plus grands compositeurs, pédagogue et compositrice elle-même. Une grande amoureuse aussi, qui entre son époux et le poète russe Tourguenieff, vivra une étonnante relation à trois dans ce 19e siècle réputé conformiste. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Patrick Barbier, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Duncan. Vous êtes historien de la musique, professeur émérite à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Vous connaissez bien Pauline Viardot et sa grande sœur, Maria Malibran, auxquelles vous avez consacré des biographies. Alors des grandes chanteuses, il y en a eu d'autres au 19e siècle. Comment se fait-il que ces deux-là, Pauline Viardot et Maria Malibran, pour des raisons sans doute différentes, connaissent une telle postérité ? Oui, c'est une sorte de grande dynastie qui a marqué le 19e siècle, puisque cette dynastie commence avec leur père, Manuel Garcia, qui a été donc un grand ténor rossinien et qui a créé notamment le Barbier de Séville. Et puis ensuite, en effet, deux personnalités très différentes, mais qui, à elles deux, occupent pratiquement un siècle d'histoire musicale. La Malibran, qui est une sorte de, alors une star absolue dans son temps, mais une sorte d'étoile filante, puisqu'elle meurt très jeune à 28 ans, ce qui a renforcer le mythe de la Malibran. Oui, c'est un personnage romantique. Romantique en diable, bien sûr, puisqu'en plus, elle conquiert toutes les scènes, elle a l'Europe à ses pieds, et elle meurt bêtement d'une chute de cheval à Londres. Elle meurt à Manchester. Donc, l'Europe est complètement marquée par cette mort prématurée de la Malibran. On écrit des poèmes dans les journaux de pratiquement toutes les grandes villes d'Europe, hein, pour montrer le phénomène européen. Et pendant ce temps-là, il y a une petite sœur qui n'a que 15 ans au moment de la mort de la Malibran, qui ne pensait pas être cantatrice, qui pensait être pianiste, et qui va, du fait de la mort de sa sœur, oser se lancer elle aussi dans une carrière qui va être absolument prodigieuse. Vous parliez, Patrick Barbier, de ce père, Manuel Garcia, qui était une personnalité très importante, très, très forte, une personnalité étonnante, pas forcément toujours sympathique d'ailleurs, assez tyrannique avec ses enfants, leur imposant une discipline de fer, parce que dans la famille, il faut être musicien, que ce soit pianiste, que ce soit chanteur, chanteuse, et il faut travailler jeune, il faut rapporter de l'argent aussi, c'est exactement, c'est-à-dire que c'est un homme très très dur, hein, qui a été vraiment tyrannique, surtout avec Maria, donc, qui ne s'appelle pas encore la Malibran. D'abord, il y a un fils qui va être aussi chanteur et ténor, mais aussi beaucoup plus que ça. Ensuite, il y a Maria, et Maria, elle a une voix un peu rebelle. D'abord, il n'y a pas le choix, il faut faire de la musique, ça c'est obligatoire. Et il veut en faire une cantatrice. Et comme elle a une voix un peu rebelle, une voix un peu difficile, il va, à coup de trique, hein, il n'y a pas d'autre mot, il va réussir à maîtriser cette voix et en faire une des voix les plus saisissantes, puisque 50 ans ou 100 ans après, on parlera encore de la voix de la Malibran. Donc voilà, c'est un homme tyrannique, sauf que justement, comme Pauline, elle est beaucoup plus jeune, elle va perdre son père, elles ont 13 ans de différence, et l'éducation ne va pas du tout être la même, parce que Pauline, c'est vraiment une petite dernière, comme on dit, qui d'ailleurs aura 10 ans à la mort de son père. Donc, on ne peut pas trouver deux sœurs plus dissemblables, parce que Pauline était une petite fille facile, qui a donc eu des relations assez agréables avec son père, et pour peu de temps, Maria était une jeune fille rebelle, qui s'est heurtée en permanence à son père. Et Pauline va donc vivre dans ce culte de son père, et va chanter tout au long de sa carrière, air, des airs espagnols composés par son père. Alors, l'enfance de Pauline a de quoi faire rêver, hein, aujourd'hui. C'est une vraie enfant de la balle. En famille, ils partent en tournée. Il y a par exemple cette tournée au Mexique qui manque de tourner justement à la tragédie. Mais elle va en garder un souvenir assez merveilleux. C'est une enfance étonnante. Vous pouvez nous raconter cette histoire, Patrick Barbier? Oui, c'est d'abord, ce sont des enfants, les trois enfants Garcia sont des enfants qui sont tombés dans la marmite tout petit de la musique. Donc, ils connaissent la musique à fond. Et d'ailleurs, Pauline a une très belle phrase, elle dit « Je ne me souviens même pas une époque où je ne connaissais pas la musique ». C'est comme ça que le premier opéra donné sur le sol américain, c'est le Barbier de Séville de Rossini, avec la troupe familiale, c'est-à-dire le père joue Alma Viva, la mère fait la servante Bertha, Maria fait Rosine et le fils fait Figaro. Bien sûr, Pauline est beaucoup trop petite, elle a 4 ans, donc elle ne fait qu'assister. Mais enfin, quelle vie passionnante, cette petite fille qui traverse l'Atlantique, qui va à New York, qui va jusqu'au Mexique, où on manque de se faire tuer par des brigands, enfin c'est une épopée. Des petites filles, elles rencontrent Lorenzo da Ponte quand même, qui est le librettiste de Mozart, enfin c'est complètement fou, on est en 1825, c'est deux mondes qui se rencontrent, enfin c'est fascinant. Absolument, c'est le 18e et le 19e ensemble, c'est-à-dire qui peut imaginer que cette Pauline Viardot a sauté sur les genoux de Lorenzo da Ponte alors qu'elle a 4, 5, 6 ans, et il est donc à New York, lui installé là, il travaille à faire connaître la poésie et les lettres italiennes, et c'est lui qui va convaincre Manuel Garcia de donner le Don Giovanni de Mozart, donc à Manhattan, et donc on aura comme deux premiers opéras sur ce territoire américain, le Barbier de Rossini et Don Giovanni. Patrick Barbier, si vous le voulez bien, on poursuit cette discussion tout à l'heure, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Pauline Viardot, la diva du romantisme, un texte de Vincent Hazard, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Baptiste Guiton. Plus que 2 minutes avant le lever de rideau. Je suis prête. Je connais la partition. Je connais le rôle. Mais j'ai toujours cette boule au ventre. Maria, donne-moi ta force. Je pose mes doigts sur ton diadème comme un porte-bonheur. Toi qui n'avais jamais peur de là où tu es, aide-moi. Tu me manques tellement. décembre 1838. Pauline Garcia a tout juste 17 ans quand elle monte pour la première fois sur la scène du prestigieux théâtre de la Renaissance à Paris. Elle s'apprête à chanter un extrait de La Pivoleuse de Rossini. Pour l'occasion, Pauline porte la robe et les bijoux de sa sœur disparue, la flamboyante cantatrice Maria Malibran, morte 2 ans auparavant. Les jours suivant sa mort, les amis de la famille, comme le poète Alfred de Musset ou Louis Viardot, le directeur du Théâtre des Italiens, se pressaient chez les Garcia pour leur manifester leur soutien. Cher Louis, cher Alfred, merci de votre présence. C'est la moindre des choses. Quelle terrible nouvelle. Elle semblait immortelle. Avez-vous fixé une date pour l'enterrement ? Non, pas encore. Les Anglais nous empêchent de la rapatrier. Ils veulent la garder à Manchester et construire un mausolée pour que sa tombe soit visitée. C'est abject. Ils veulent se faire de la publicité sur votre malheur. On tente de l'exploiter jusque dans sa tombe. Heureusement, nous devrions avoir gain de cause. Maria. Ma fille. Et maintenant, comment allons-nous vivre ? Ma sœur aimait être au centre de l'attention, mais elle ne se confiait réellement qu'à moi. Après son mariage raté avec Malibran, j'avais été la première à savoir qu'elle allait se remarier avec Charles Berriot. J'étais la seule à savoir pour le bébé qu'elle portait en elle. Et j'étais aussi la seule à qui elle avait parlé de ses malaises après sa chute. Louis, j'ai rien osé dire à ma mère. Au vu de sa relation avec Maria, je ne crois pas que cela aurait changé grand-chose. Oh, Louis, je me sens tellement coupable. On aurait peut-être pu la sauver. Votre sœur avait choisi de ne rien dire. C'était son choix. Vous savez, la vie de cantatrice est très ingrate. Peut-être en avait-elle assez de se sentir exploitée. Et c'est terrible à entendre, mais elle voulait peut-être en finir. Comment ? Non, c'est impossible. Elle attendait un enfant. Elle n'aurait pas fait ça alors qu'elle s'apprêtait à donner la vie. Ah. Mais vous connaissez votre sœur. De toute façon, quoi que vous disiez, ça ne l'aurait pas fait changer d'avis. Vous le pensez vraiment ? C'était une tête de mule. Avec tout le respect que je lui dois, tout le monde l'adorait, mais c'était une tête de mule. Si vous aviez parlé, vous auriez trahi sa confiance. Merci, Louis. Vous êtes toujours aussi franc, mais vos paroles me font du bien. Maria brillait plus que nous tous, ses frères et sœurs. Elle était si belle. Et moi, avec mes gros yeux, ma bouche énorme et mon cou trop long, le clair-obscur et mon piano me suffisaient. Il y a 2 ans, c'était ma sœur qui chantait cet air et moi qui l'accompagnais au piano. Notre seul concert ensemble. J'aurais voulu qu'il y en ait tant d'autres. On dirait bien qu'ils m'aiment. Ils sont debout. Ils applaudissent. Il y en a même qui pleurent. C'est irréel. Le destin de Pauline Garcia bascule ce soir de décembre 1838. La jeune mezzo-soprano chante avec une maîtrise et une sensibilité qui touchent les cœurs. Dans la salle, le tout Paris de la musique lui fait un triomphe. Pauline ! Pauline ! Maman ! Oh ma fille, quel bonheur ! Quel bonheur, j'ai eu raison ! N'est-ce pas, Louis ? Beaucoup de chanteuses expérimentées aimeraient avoir votre maîtrise. Merci. Tu entends ça ? Venant du directeur du théâtre des Italiens, c'est comme s'il t'offrait déjà un contrat. Votre tessiture est très étendue. Je peux chanter du contralto au soprano. Comme votre sœur, impressionnant. J'ai eu raison de te pousser. Maintenant, il va falloir penser rapidement à un autre programme. On va t'emmener à Bruxelles dans un premier temps, puis l'Italie, puis l'Allemagne. Ma mère est un peu rassurée. Pour mon avenir et pour la subsistance de la famille. Mon père disparu, Maria nous assurait un train de vie. Maintenant, c'est mon tour. Une chanteuse gagne bien plus qu'une pianiste. Tout ça se bouscule dans ma tête. C'est une lourde charge. Et puis, suis-je légitime ? Et monsieur de Musset n'est pas là ? Non. Malheureusement, cet étourdi d'Alfred a oublié de se réserver un siège. Ce qui est malencontreux quand on est soi-même l'organisateur. Mais tu iras chanter chez lui. Tu lui dois bien ça. Je sais, maman. Je sais bien ce que je lui dois. À l'issue du concert privé que Pauline Garcia donne au domicile d'Alfred de Musset, celui-ci prend la plume et se joint au concert de louanges par un article dans la Revue des Deux Mondes en janvier 1839. Il n'y a aucun doute. Au bout de 10 mesures à peine, c'est sa sœur vivante de nouveau qu'on applaudit. Même voix, même méthode de chant, même coup de gosier espagnol. La Malibran est revenue au monde. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On n'a qu'à la laisser faire. Ils veulent que je sois toi, mais je ne pourrai jamais te remplacer. Il n'y aura jamais qu'une seule Maria Malibran. Vous n'avez pas une voix douce, vous avez une voix âpre. Je ne sais pas comment le prendre, Louis. Alors là, bravo, Louis. Toujours au bon tact. Oh, Fred, n'hésitez pas à prendre une noix de laine, elles sont délicieuses. Merci. Ce genre de voix ne plaît pas à tout le monde, mais elle est parfaite pour la tragédie. Je suis d'accord. Monsieur, vous les experts. Je ne suis qu'un mélomane transi. En tout cas, pour moi, votre voix est divine. Votre timbre est rare, de ceux que l'on n'entend qu'une fois dans une vie. Merci. Ce n'est pas de la flatterie, je le pense. Et c'est pour ça que vos compliments me vont droit au cœur. Tant mieux. En attendant, la Blache m'a fait savoir que vous étiez la bienvenue chez lui samedi. Il est d'accord pour un duo. Nous serons une cinquantaine. Je ne suis pas sûr que continuer à courir les salons soit judicieux pour votre carrière. C'est un passage obligé pour se faire connaître. Alfred nous ouvre gentiment son carnet d'adresses. Je pense que Pauline doit se préserver. Se concentrer pour des scènes plus importantes. Vous avez une idée derrière la tête? Oui. Je pense que Pauline est prête pour chanter au Théâtre des Italiens. Quelle excellente nouvelle! Vous feriez une excellente affaire, Louis. Mais ne reproche-t-on pas déjà assez à Pauline de ne pas chanter le répertoire français? Chanter de l'opéra italien n'est pas le meilleur moyen de faire taire ses critiques. Si je peux me permettre. Il parle, sans que personne ne se soucie de ce que je pense. Je comprends mieux ce qu'a vécu ma sœur. Cette impression d'être une marchandise tout en étant le centre de l'attention, surtout celle des hommes. À mesure que je m'affirme comme chanteuse, je sens que leur regard change. Et cela me met mal à l'aise. À l'automne 1839, Pauline commence son engagement au Théâtre des Italiens. Elle y chante le répertoire italien du 18e et du début du 19e siècle. Elle se lie d'amitié avec George Sand, la romancière qui vit depuis quelques mois une relation amoureuse avec Frédéric Chopin et passionnée par l'art lyrique. Elle s'émerveille devant cette jeune chanteuse prodige et s'inspirera d'elle pour l'héroïne de son roman Consuelo. De 20 ans son aînée, George prend Pauline sous son aile. Il faut être prudente avec les hommes. Ne les croyez pas sur parole. Jugez-les sur leurs actes. C'est un bon conseil. Vous savez, comme votre sœur, j'ai fait un très mauvais premier mariage. C'est effrayant, ces hommes qui se font tout miel pour nous conquérir et qui se transforment en monstres une fois passé la bague au doigt. Si je le pouvais, je vous dirais de ne pas vous marier. Non, mais ça ne ferait qu'attiser le camp, dira-t-on, surtout pour une chanteuse. Je sais. Pour certains, nous sommes quasiment des prostituées. Mais attention, le mariage n'est pas toujours une prison. Il peut être envisagé comme un arrangement qui permet une certaine liberté. Non, George, c'est une vraie libertine. Non, je revendique juste le droit au bonheur pour les femmes. Mais pour ça, on en revient toujours au même problème. Il faut bien choisir son homme. Sous votre aimable tête, un cou blanc, délicat, se plie, et de la neige effacerait l'éclat. Vous m'inspirez, Pauline. J'en suis très heureuse. Enfoncée que j'étais dans cette rêverie, ça et là toutefois, lorgnant la galerie, je vis que, devant moi, se balançait gaiement, sous une tresse noire, un cou svelte et charmant. Oh, c'est très beau. Vous m'inspirez, vous êtes ma muse. Je ne veux plus vous quitter, je veux lier nos destins pour toujours. Alfred, vous vous emportez. N'est-ce pas encore de ma sœur que vous parlez dans ces vers? Pas du tout, Pauline. Je vous aime, vous. C'est un amour sincère. Il est brillant, persuasif et charmant. Mais que voit-il quand il me regarde? N'essaye-t-il pas de faire revivre un souvenir à jamais disparu? Alfred de Musset va sans doute demander ma main. Ah! Et dois-je m'en réjouir? C'est un homme de goût. Il dit m'aimer, il est plein d'attention. Êtes-vous amoureuse? Je dirais un peu, oui, sûrement. Vous ne le savez sûrement pas. Mais je connais intimement, pour ne pas dire bibliquement, le sieur de Musset. Oh, mais excusez-moi, c'est horriblement gênant. Mais pas du tout. Si je n'ai qu'un conseil, si vous n'êtes pas déjà prisonnière de vos sentiments, envoyez-le paître. Croyez-moi, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse dans la vie, et ce n'est ni le mariage, ni l'art lyrique. Comme une amie, je dois vous dire de source sûre qu'en ce moment même, il courtise deux autres jeunes filles. Ah, bon, j'en prends note. Merci de m'éviter l'humiliation. Vous n'avez pas l'air trop affectée. Peut-être que je m'en doutais déjà. Les hommes sont tous des pervers. Non, pas tous, heureusement. Si je peux vous faire une confidence, mon tendre Chopin, lui, est loin d'être un pervers. Il n'est même pas vraiment porté sur la chose. L'important, c'est la mesure, l'équilibre. Oui. Mais vous ne jugez pas trop durement les hommes. Vous pourriez passer à côté du bonheur. Je suis un peu perdue. Que pensez-vous de Louis ? Viardot ? Oui. C'est un bel homme. Il vous aime beaucoup. Il a 39 ans. Vous savez, il n'est pas marié. C'est un homme honnête, cultivé. Vous devriez passer plus de temps avec lui. J'avais remarqué que Louis se montrait de plus en plus prévenant, mais de là à penser qu'il me faisait la cour. Il a 20 ans de plus que moi. Il est un peu rigide, mais c'est vrai qu'il est encore bel homme. Et il déteste le mensonge. En quelques semaines, et contre l'avis de sa mère, le mariage est arrangé. Pauline épouse Louis le 18 avril 1840. Louis est mon sauveur. Grâce à lui, j'ai l'impression d'avoir rompu des chaînes. Il n'est pas démonstratif, mais je sais qu'il m'aime. Je suis sûre qu'avec le temps, nos sentiments s'accorderont. J'ai déjà beaucoup d'affection pour lui. Le couple part en voyage de noces pendant plusieurs mois en Italie, loin des familles et des courtisans. En fin d'année, ils reviennent s'installer à Paris. Ta répétition s'est bien passée ? Admirablement. Même si on n'a encore aucune idée de comment ça sonnera aux Invalides. Paris te fait un bel accueil. Tu n'as pas l'air impressionné de chanter pour le retour des cendres de Napoléon ? J'apprends à dissimuler mon trac. Le requiem de Mozart aux Invalides avec la grande Rosine Stoltz. Tu entres dans la cour des grands, ou plutôt dans la fosse aux lions. Pourquoi ? Rosine Stoltz est une langue de vipère. Méfie-toi d'elle. Elle n'a pas ton talent et elle le sait. Que dois-je craindre ? C'est la maîtresse du directeur de l'opéra et elle fera tout pour que tu n'y chantes pas. On verra bien. Moi, je suis la femme du directeur du théâtre italien. Bon, ça ne sert pas à grand-chose. Depuis que nous sommes installés à l'Odéon, le public ne suit plus. C'est trop loin. Et comme le gouvernement ne nous soutient pas... Tout cela est passager. Je vais démissionner. Non ! Pourquoi tu dis ça ? Il te faut quelqu'un pour gérer ta carrière. Tu n'as pas à te sacrifier. Je vais bien trouver quelqu'un. Tu ne tiens pas à ce que je m'occupe de tes affaires ? Si, au contraire. J'ai totalement confiance en toi. Pendant ce voyage en Italie, sur les lieux qu'avait fréquenté ma sœur, j'ai beaucoup pensé à elle. Mais maintenant, je ne doute plus de ma place. Ma voix est affirmée, puissante. C'est ma voix. Je suis prête à conquérir Paris. Je sais que je le dois en grande partie à Louis. Je suis fière d'avoir pris son nom. Pauline Viardot. Louis Viardot devient l'impresario de sa femme. Mais en ce début des années 1840, la France est toujours gouvernée par le roi Louis-Philippe. Et Louis Viardot est un républicain notoire. Ses sympathies politiques ne tardent pas à nuire à la carrière de Pauline. Une partie de la critique lui tourne le dos et elle n'est pas invitée à chanter à l'Opéra de Paris. Pauline se tourne alors vers l'étranger et se produit sur les scènes européennes, laissant derrière elle sa fille Louise, née en 1841, qu'elle confie à George Sand pendant de longues semaines. Nous goûtons au fameux hiver russe. Le voyage a été éprouvant, en train jusqu'à Hambourg, puis en bateau jusqu'à Saint-Pétersbourg, mais je ne regrette pas ces efforts. Hier, dans le barbier de Séville, quand je suis entrée sur scène, le public s'est levé et a applaudi frénétiquement pendant de longues minutes. J'étais tellement émue. Je les ai remerciés au second acte en chantant un air traditionnel, en russe. J'ai cru que la salle allait chavirer. Le tsar lui-même applaudissait à tout rompre. Rien ne peut égaler ce que vous ressentez dans ces moments-là. Vous oubliez tout. Les heures de répétition, le froid, la séparation. Vous voudriez que ça dure toute une vie. La tournée russe de Pauline pendant l'hiver 1843 est un véritable triomphe. Après l'une des représentations au Bolchoï, Louis Viardot présente le jeune Ivan Tourguenieff à Pauline. Vous parlez très bien français. Et vous, madame, quand vous avez chanté en russe tout à l'heure, vous n'aviez aucun accent, alors que vous ne parlez pas la langue. Faire illusion est mon métier. Ivan a beaucoup apprécié le concert. C'est très gentil. Mais dites-moi plus sur vous. Je sais juste que vous êtes chasseur, comme Louis. Je travaille pour le ministère de l'Intérieur. Mais ce n'est qu'un travail. J'écris des poèmes. Oh, un confrère artiste. Et où peut-on lire vos œuvres? Pas encore. Je ne suis pas encore vraiment publié. Je vois. À l'occasion, n'hésitez pas à me faire parvenir des exemples de votre travail. Oui, bien sûr. Ivan Sergeïevitch fait partie de la grande noblesse russe. Sa famille possède des terres, des villages entiers. 5000 bougies dépendent d'eux. Et sa famille a décidé de les libérer du servage. C'est un signe de grandeur d'âme. Oui, enfin, c'était la décision de ma mère. Que j'approuve, hein. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les Moujiks. Certains sont venus me voir après un concert. Ils s'étaient cotisés pour m'offrir un bracelet en diamant, parce que je les avais émus. Cela ne m'étonne pas. Bien. Merci, Ivan. Maintenant, si vous le voulez bien, je voudrais pouvoir me changer. Ce grand russe était dans ses petits souliers en entrant dans la loge. C'est grisant. Avec son regard profond, ses cheveux de jais, il doit plaire aux femmes. Mais devant moi, il s'est transformé en petit garçon. Pauline retourne chanter à Saint-Pétersbourg les deux hivers suivants. Tourguenieff est un auditeur assidu et ne tarde pas à tomber amoureux de Pauline. Pendant sa tournée de l'hiver 1845, Louise, la fille de Pauline, attrape la coqueluche et la transmet à sa mère qui est contrainte d'écourter la tournée. Cher Ivan, vous me voyez bien désolée de vous avoir abandonnée si précipitamment. Je vais rester à Paris pendant quelque temps pour me reposer. Vous m'avez parlé d'un voyage en Europe. Sachez que Louis et moi serions ravis de vous accueillir. Je trouve cela déjà tellement beau. Je vous dérange? Non, mais allez-y doucement avec les applaudissements. Je me sens déjà tellement privilégié d'assister à cela. Votre regard m'est important. J'aime votre compagnie. Je n'ai aucune envie de repartir en Russie. Auprès de vous, je suis le plus heureux des hommes. Tourguenieff est comme un enfant. Il ne sait pas cacher ses émotions. Sa jeunesse me fait du bien. Il apporte un peu de passion slave dans cette maison. Ma vie, je crois, a changé. Le 22 février 1848, le peuple de Paris se soulève et Louis-Philippe refuse de faire tirer sur la foule. Il abdique. La proclamation de la Seconde République annonce le retour en grâce des républicains, tels Georges Sand ou Louis Viardot. Louis se voit proposer de prendre la tête de l'opéra. Il refuse. Pauline, elle, est contactée par le compositeur Giacomo Meyerbeer. Il lui propose le rôle principal de son prochain opéra, Le Prophète, qui doit ouvrir à l'Opéra de Paris au printemps 1849. Mon cher Ivan, j'ai commencé à répéter le rôle de Fidès. C'est une mère qui se bat pour éloigner son fils de l'influence d'un faux prophète illuminé. Un peu comme la vôtre, qui essaye de vous sauver des griffes d'une cantatrice diabolique. Plus sérieusement, le rôle est aussi lyrique que dramatique. Meyerbeer me fait un beau cadeau. Vous travaillez, madame, comme une fourmi. Vous méritez bien ce surnom que les vôtres vous ont donné. Ma mère, toujours jalouse de celle qui lui vole son fils, vous appelle la maudite bohémienne. Donnez-moi de vos nouvelles. C'est un moyen de combler la distance. Je m'y accroche en attendant de vous revoir. Je vous embrasse les mains. Vos douces petites mains. Ivan est en passe de devenir un très bon écrivain. Ses lettres sont si belles à lire, mais le plaisir est coupable. Et si Louis tombait dessus? Le 16 avril 1849, tout le monde parisien des arts et des lettres, Chopin, Verdi, Gautier, Delacroix, Berlioz et même Tourguenieff, se pressent pour la première du Prophète. Pour son retour à Paris, Pauline Viardot est ovationnée. Sa performance impressionne par sa beauté vocale et son intensité dramatique. Sur scène, Pauline devient Fidès. Le prophète fait salle comble, l'œuvre interpelle. Elle dénonce les dérives de l'utopie dès qu'elle s'attaque aux libertés individuelles. Son propos est prémonitoire. Le 20 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, grand admirateur de son oncle l'empereur, est élu président de la Seconde République. Pauline, elle, se prépare pour les représentations du prophète à Londres. Louis n'est pas encore entré ? Non. Le pauvre, il se débat avec les contrats de Londres. Il y a un problème ? Le théâtre est en faillite. La direction est partie avec la caisse. On ne sait même pas s'ils pourront nous payer. C'est peut-être le moment d'annuler le contrat ? C'est tentant. Nous en sommes à la 15e représentation du prophète. Et il me tarde déjà de chanter autre chose. Vous pourriez rester ici, avec moi ? Ivan. Nous sommes heureux ici. Avec cette épidémie de choléra dans les rues de Paris, avec une république qui risque d'être renversée du jour au lendemain, vous perdez la raison. Si je perds la raison, c'est à cause de vous. Je suis inquiète pour la France. Ne changez pas de sujet et arrêtez de tout voir en noir. Laissez-vous porter, vous venez de faire un triomphe dans votre pays. Tout ça est éphémère. Bien sûr, mais la vie est éphémère. Il faut en profiter. Vous êtes la plus grande. Autorisez-vous ce bonheur. Vous avez le droit d'être heureuse. Au lendemain de cette soirée du 26 juin 1849, Tourguenieff inscrit une mention laconique sur son agenda. « Moi, pour la première fois, avec P ». Quelques jours plus tard, Pauline part pour Londres. Éconduit, Tourguenieff rentre en Russie. De son côté, pendant l'année 1850, Pauline Viardot aide le compositeur Charles Gounod à monter son premier opéra, Sappho, en s'engageant à prendre le rôle-titre. La sortie, prévue au printemps 1851, ne se fait pas sans remous. Des critiques trouvent le style de Gounod trop lent, trop solennel. Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la République, renforce son pouvoir et certains vers de Sappho, jugés trop républicains, sont censurés. Sappho ne remporte qu'un succès d'estime et Pauline Viardot passe le relais à une autre cantatrice après seulement 7 représentations. Pendant leur collaboration, une idylle est née entre la cantatrice et le jeune compositeur, mais après cet échec, les relations se distendent. Le succès est comme le bonheur, tout aussi éphémère. Des policiers sont venus. Ils ont emmené Louis pour le questionner. Et ils ont tout retourné. Heureusement, les enfants n'étaient pas là. Je me sens si démunie. Tourguenieff est en Russie. La situation n'est pas bonne pour lui non plus. Ses mémoires d'un chasseur lui ont amené la gloire. Mais sa critique du servage a fait de lui un ennemi du tsar. Il est assigné à résidence. Je me fais aussi du souci pour lui. À l'automne 1853, la France et la Russie entrent en guerre suite aux revendications territoriales russes en Crimée. Les communications sont coupées, Pauline n'a plus de nouvelles d'Ivan. Le 15 mars 1854, elle met au monde un nouvel enfant, Marianne. Les contrats pour Londres sont arrivés. Tu es sûre que tu n'as pas d'état d'âme ? Pourquoi tu me poses la question ? Tu pourrais te reposer un peu. On part que quelques semaines. Louise a encore fait une crise ce matin. Les enfants ont besoin de toi en ce moment. Mais moi, j'ai besoin de travailler. Je ne supporte pas de rester là, sans rien faire, bloquée avec les enfants. Si je n'étais pas surveillée ici, on n'aurait pas à voyager autant. On pourrait passer plus de temps ensemble. Comme une famille. Tu n'y es pour rien. Ici ou ailleurs, je veux travailler. Tu es heureuse avec moi ? Oui, bien sûr. Je sais que je ne peux pas te donner tout ce que tu mérites. Sache que je t'aime suffisamment pour ne vouloir que ton bonheur. Même si ça veut dire te laisser partir. Louis, je ne te quitterai jamais. Mais je ne peux vivre sans mon art. Je sens déjà que ma voix faiblit. Combien de temps il me reste ? 5 ans ? Et après quoi ? Il n'y a rien après. Mais ne dis pas ça, tu composes, tu peux enseigner. Puis, il y a nous. Je sais. Pardon, Louis, c'est juste que... Je veux pas que tout s'arrête. Je suis une mauvaise mère et une piètre amante. La musique avant tout. Et tout ça pourquoi ? Rosenstolz est revenue de sa disgrâce pour chanter Le Prophète à l'opéra. Le rôle de Fidesz créé pour moi. Je ne suis même pas jalouse. Rosine se retire. Elle fait ses adieux à la scène. La roue tourne, puis elle s'arrête. Mon tour viendra bientôt. Au printemps 1856, la guerre de Crimée prend fin. Après 3 années sans nouvelles, Tourguenieff est autorisé à revenir en France. Il trouve une Pauline distante. Elle vit une aventure avec le peintre Harry Schaeffer. Tourguenieff, blessé, quitte la propriété des Viardot. Quand je l'ai vu, brisé, reprendre ses valises, mon cœur s'est déchiré. J'ai compris trop tard qu'il m'était insupportable de le voir disparaître de ma vie. En 1859, le théâtre lyrique fait une proposition à Pauline qui pourrait relancer sa carrière en France. Reprendre le rôle d'Orphée dans l'opéra Orphée et Eurydice, le classique de Christophe Gluck. Le rôle lui permettrait de remonter sur une belle scène et de faire revivre l'art disparu des castrats. Mais Pauline hésite. Je ne te comprends pas, c'est une formidable invitation. Non, je veux pas me travestir et feindre une passion pour Eurydice, une autre femme. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre qu'il ne s'agit que d'un rôle. Tu le sais bien, les mauvaises langues guettent le moindre faux pas. Tu es une artiste. Ton talent fera oublier à tous qu'une femme a endossé le costume d'Orphée. Non, je ne veux pas. Mon prochain rôle est sûrement ma dernière chance de briller. Je ne crois pas qu'Orphée soit le bon choix. Et Berlioz ? Il n'a rien pour moi. Et il serait inconvenant de le solliciter. Il t'apprécie. Et il voue une passion pour Gluck. On peut lui demander de reprendre la partition. L'idée est séduisante. Hector Berlioz accepte de travailler sur l'œuvre, assisté du jeune Camille Saint-Saëns. Le 19 novembre 1859, drapé dans un costume dessiné par Eugène Delacroix, Pauline Viardot monte sur la scène du théâtre lyrique et livre une prestation qui marquera l'histoire de la vie musicale parisienne. Tourguenieff m'a écrit depuis sa propriété familiale. Il n'a pu s'empêcher de laisser transparaître sa détresse dans ses félicitations. Il me manque. Je lui ai proposé de revenir chez nous. À partir de 1860, Pauline Viardot met progressivement fin à sa carrière. En 1863, à 42 ans, elle fait ses adieux à la scène parisienne pour se consacrer à l'enseignement et à la composition, retrouvant avec émotion le piano de sa jeunesse. Elle s'installe avec sa famille à Baden-Baden, bientôt rejointe par Tourguenieff. Pauline n'a de cesse de partager sa connaissance de la musique, de tenir salon avec ses nombreux amis artistes et la bonne société allemande et française. Elle joue ses compositions en y intégrant ses enfants et Tourguenieff. Mais la guerre de 1870 vient mettre un terme à ce bouillonnement culturel. Les Viardot rentrent en France après la défaite de Napoléon III. Le trio se retrouve à Paris. Pauline Viardot compose, Tourguenieff écrit. En 1874, Tourguenieff invite Pauline et Louis à le rejoindre à Bougival, dans la région parisienne. Ivan, pourquoi nous faire tant de mystère ? Où sommes-nous ? Allons, Tourguenieff, expliquez-nous. Ah, vous êtes ici, chez vous. Comment ça ? Avec l'argent de mes livres, j'ai décidé de m'installer ici, avec vous. C'est immense ! Elle est magnifique. Et tout est pour vous. Moi, je vivrai là-bas, à 200 mètres. Pour l'instant, il n'y a rien, mais je fais construire une petite datcha pour être plus près de ma chère Pauline. Et de vous, mon ami. Je ne sais pas quoi dire. Ça vous plaît ? Bah oui, bien sûr. Merci, Ivan. Ça te plaît, Pauline ? Oui. Tu es heureuse ? Oui, je suis heureuse. On ne peut pas fuir sa vraie nature. On peut l'exprimer différemment, mais on ne peut pas fuir qui on est. En marchant dans les pas de ma sœur, je ne lui ai rien volé. Et moi, je ne me suis pas sacrifiée. Je me suis accomplie autrement. Chanteuse ou pianiste, quelle différence. Et malgré tout, je suis restée cette jeune fille qui voulait devenir pianiste. Fidèle à une seule chose, la musique. Thank you. Pauline Viardot, la diva du romantisme de Vincent Hazard, avec Pauline Viardot, Léopoldine Hummel, Alfred de Musset, Grégoire Isvarine, Georges Sand, Odja Lorca, Ivan Tourganieff, Nicolas Gonzalez, Louis Viardot, Bruno Pavio, Joaquina, Martine Chambacher. Bruitage Benoît Fèvre, prise de son, montage et mixage Manuel Couturier et Éric Villenfin, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Baptiste Guiton. France Inter, autant n'emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Pauline Viardot avec mon invité Patrick Barbier. Havanaise, composée par Pauline Viardot, chantée ici par Cécilia Bartoli, accompagnée au piano, s'il vous plaît, par Myung-Woon Chung. Vous écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire. Réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, à la technique Arnaud Caillet. Patrick Barbier, vous serez d'accord, je suppose, pour remercier la merveilleuse Cécilia Bartoli d'avoir exhumé cette mélodie de Pauline Viardot. Oui, bien sûr, et pas seulement d'ailleurs les mélodies de Pauline Viardot, mais aussi celles de sa sœur, la Malibran, puisque pas mal de ces mélodies ont été enregistrées pour la première fois par Cécilia Bartoli, donc on lui doit beaucoup. Et ça montre d'ailleurs ce qu'était le talent de compositrice de ces deux femmes. C'est étonnant, on ne sait pas, évidemment, on ne peut pas connaître la voix de Pauline Viardot, puisqu'il n'existe pas d'enregistrement, mais tous les poètes romantiques ont parlé, ont célébré sa voix, son expressivité. Est-ce qu'on peut penser qu'elle, sa voix ressemblait à celle de Cecilia Bartoli? C'est quoi? C'est une mezzo-soprane? C'est, comment définir oui, cette voix? C'est ce qu'on appelle des mezzo-soprano coloratour. Ce sont des voix très, très amples qui ont une très grande, un très grand ambitus, avec des graves quand même qui étaient spécialement soutenus, profonds. Et c'est ce qui a fait vraiment, je crois, d'ailleurs, la fortune de Pauline dans ses premières années. Ce sont ces graves extraordinairement profonds qui permettaient des attitudes tragiques, magnifiques, comme sa sœur, la Malibran, avec quelque chose d'un peu étrange dans la voix, un peu métallique peut-être. Il y a une très très belle phrase de Saint-Saëns qui compare la voix de Pauline Viardot à la saveur de l'orange amère, faite pour la tragédie ou l'épopée, surhumaine plutôt qu'humaine. Et ben, je trouve que cette phrase est magnifique. Il y a vraiment quelque chose, et c'est pour ça que c'est très frustrant de ne pas avoir d'enregistrement, bien sûr. Et puis, bien sûr, avec des aigus triomphants qui permettent des, comment dirais-je, une virtuosité dans l'aigu aussi, comme beaucoup de partitions de l'époque l'exigeaient. C'était peut-être d'ailleurs des rôles très très lourds, hein, et c'est pour ça que les voix ne duraient pas non plus si longtemps. Un peu la voix peut-être de Maria Callas aussi, on peut l'imaginer. Oui, moi je les rapproche beaucoup. Ce sont vraiment des femmes qui ont incarné leur rôle et qui faisaient frémir le public, ne serait-ce que par leur interprétation. Ce qui est étonnant, on l'a entendu dans le parcours de Pauline Viardot, c'est qu'au départ, elle ne se destinait pas au chant, mais au piano. C'est la mort de sa sœur qui l'a propulsée dans le chant. Pour quelle raison? Parce qu'il fallait nourrir la famille et que c'était plus rémunérateur? Alors, je crois que c'est une grande question qu'on ne peut pas élucider absolument, mais enfin, il est certain que ça n'est pas courant quand même pour une femme de faire une carrière de pianiste. Bien sûr, vous me direz, il y a eu Clara Schumann, mais enfin, on les compte quand même sur les doigts d'une main, les grandes pianistes de l'époque, donc c'était assez osé de faire une carrière de pianiste, et en même temps, c'était certainement une chance extraordinaire de prendre des cours avec Franz Liszt. Oui, mais ce qui était je le cas reste persuadé... Pauline, ouais. Oui, bien sûr, pour Pauline. Mais je reste persuadé que tant que sa sœur était en vie, elle n'aurait jamais imaginé aller marcher sur les plates-bandes de sa sœur. Et il faut imaginer ce qu'était le rayonnement de la Malibran de son vivant. Donc c'est vraiment, je crois, le choc de la mort prématurée de sa sœur qui fait penser à Pauline et à sa mère, Joaquina, qu'on entend bien dans votre fiction, que, eh bien, peut-être, c'est possible aussi de faire une carrière de cantatrice. Or, elle en avait toutes les possibilités. La voix était super. Elle connaissait déjà plein de rôles par cœur. Donc ça, c'était presque rien de la remettre sur les rails d'une cantatrice. Oui, c'est une vraie musicienne qui a tout de suite pigé les trucs. Oh, bien sûr, puis de toute façon c'est une femme d'une intelligence remarquable. Pauline Viardot est vraiment une femme exceptionnelle puisque elle est passionnée par la musique, elle est passionnée par la littérature, par la poésie, elle parle plusieurs langues couramment, elle s'intéresse vraiment à toutes les choses de l'esprit. Et c'est pas étonnant que ça ait fait un assez bon ménage avec un intellectuel comme Louis Viardot. Oui, c'est étonnant comme Pauline donc va tracer sa propre voix, VOIE et VOIX, et tous ceux qui la rencontrent sont impressionnés par sa personnalité, les hommes et les femmes, et notamment Georges Sand, on l'a entendu. C'est étonnant cette amitié qui s'est nouée entre ces deux femmes d'âge très différent, les plus âgées, Georges Sand, mais c'est une vraie amitié qui va durer longtemps. Georges Sand va l'inviter souvent dans sa maison à Nohant, cette espèce de centre d'art, on en a eu l'occasion d'en parler dans cette émission, oui. Ces deux personnalités passionnantes. Ah oui, mais je pense que c'est beaucoup plus qu'une amitié. C'est une affection qui fait penser presque à une affection mère-fille. C'est-à-dire qu'elle est totalement intégrée comme un membre de la famille. Donc ça va très très loin. C'est très fort cette relation. Et c'est pas étonnant que Georges Sand va orienter vraiment le mariage de Pauline. D'un point de vue musical, donc les plus grands compositeurs écrivent des rôles pour Pauline Viardot. Ce qu'ils trouvent en elle, j'imagine, c'est sa voix, son expressivité et aussi une grande travailleuse. C'est une fourmi. Comme dit Tourgueniev. Oui, elle travaille énormément, elle remet toujours son travail sur le métier d'ailleurs. Elle considère que rien n'est acquis, qu'il faut toujours perfectionner, toujours travailler. Et en effet, on va lui écrire des rôles qui vont marquer le siècle. Parce que c'est vrai que le rôle du prophète, de Fidès dans Le Prophète, dont la fiction parle beaucoup, c'est un rôle qui va la mettre vraiment, on peut dire, à l'équivalent d'une des plus grandes cantatrices de son temps. Et 10 ans plus tard, le rôle d'Orphée, retravaillé pour elle par Berlioz, va aussi, alors là, la porter c'est vraiment à l'incandescence, c'est-à-dire qu'on ne parle plus que de ça. Donc elle va trouver des rôles à sa mesure qui lui conviennent parfaitement. Et voilà comment sa carrière est ponctuée de ses grands rendez-vous. Mais cette carrière de chanteuse n'est qu'une partie de sa vie, on s'en rend compte. Donc elle a commencé pianiste et puis à partir de 42 ans, elle cesse de se produire sur scène en chantant. Elle reprend une vie de compositrice, de pianiste, de pédagogue aussi, qui est extrêmement importante. Bien sûr, de toute façon, c'est une femme qui a connu l'Europe entière. C'est ça qui m'a fasciné quand j'ai écrit cette biographie, c'est que parler de Pauline Viardot, c'est de parler de tous les artistes, les peintres, les écrivains, les poètes, les têtes couronnées sur à peu près toute l'Europe. Je connais peu d'artistes qui aient eu un tel relationnel, mais pas un relationnel mondain. C'est qu'elle était extraordinairement aimée et admirée. Et on tombait sous son charme alors qu'elle n'était pas belle. C'est tout le paradoxe de Pauline Viardot, qui est infinie. Infiniment moins belle que sa sœur, la Malibran. Mais beaucoup d'hommes sont très laids, on n'en parle pas. Mais absolument. Oui, oui. Mais de toute façon, je le dis avec beaucoup de facilité qu'elle-même ne cesse d'admettre qu'elle n'est pas très belle et que c'est comme ça et qu'il faut faire avec, mais elle n'en souffre pas du tout. Et surtout, quand on voit le nombre d'hommes qui ont été à ses pieds, je pense que c'était pas du tout un problème, justement. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui a eu tout ce réseau relationnel et qui, en plus, en effet, vous l'avez dit, n'est pas seulement une cantatrice. C'est une femme qui compose admirablement. On a des dizaines et dizaines de mélodies qui sont absolument sublime, c'est une très grande compositrice. Elle a aussi d'ailleurs l'a transformée vocalement des mazurkas de Chopin. Et puis en même temps, c'est une grande pédagogue. Et jusqu'à la fin de sa vie, quand elle ne chantera plus du tout en public, elle aura des élèves, en général toujours des femmes, toujours avec ce souci de promouvoir les femmes. Hein. Et je pense que c'est bien dans la lignée de George Sand. Ce sont des femmes qui ont agi pour les femmes. Et donc jusqu'à son ultime retraite du boulevard Saint-Germain à la fin de sa vie, elle sera un magnifique professeur. Sur la relation avec Tourguenieff, qui est une très belle relation également, bon, on ne saura jamais s'ils ont vraiment couché ensemble, d'ailleurs ça nous est un peu égal. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'ils aient vécu comme ça ensemble une grande partie de leur vie, cette maison que Tourguenieff achète à Bougival. Et ils vont vivre tous les trois là avec les enfants du couple Viardot et créer un espace de création artistique assez unique. Et pendant longtemps, cette villa Viardot était à l'abandon. Mais l'année dernière, grâce au loto du patrimoine, a été sélectionnée pour être restaurée avec l'objectif d'y créer un centre européen de musique. Où en est-on, Patrick Barbier, de ce projet? Alors là, moi je n'ai pas vraiment, je suis au courant du projet, c'est quand même un assez gros projet et que certains même appellent pharaonique, donc il faudra voir jusqu'où on ira dans ce projet. En tout cas, je ne peux me réjouir que d'une chose, c'est qu'on restaure la Villa Viardot. C'est quand même un lieu exceptionnel puisque vous avez la villa occupée par le couple Viardot et juste au-dessus, 100 mètres plus haut, la datcha que Tourguenieff s'était fait construire pour qu'il puisse tous les matins en sortant de sa fenêtre, enfin sur son balcon, voir les fenêtres de Pauline. Donc, vous l'avez dit, c'est une sorte de ménage à trois pendant 30 ans. C'est une chose assez exceptionnelle qui est très difficile à faire comprendre. Parce qu'en effet, s'ils ont passé une nuit ou deux ensemble, nous ne le saurons jamais et ça ne serait, à mon avis, pas plus que ça. C'est-à-dire, c'est pas du tout sur ce plan-là que se pose cette relation. On peut dire que, voilà, tout le monde y a trouvé son compte. C'est vrai que Tourguenieff est amoureux de Pauline, ça ne va pas dire le contraire. Pauline se rend compte de l'homme exceptionnel qu'est Tourguenieff, ce grand écrivain, cet homme cultivé. Et en plus, il va y avoir une relation amicale exceptionnelle entre Tourguenieff et Louis Viardot, le mari. Donc voilà comment ces trois êtres vont très bien fonctionner ensemble. Et ça, c'est une relation qui n'est pas banale, je l'avoue. Une belle vie, donc, celle de Pauline Viardot, qui se terminera en 1910, donc une très longue vie. Merci beaucoup, Patrick Barbier. Vous êtes l'auteur d'une biographie de Pauline Viardot chez Grasset et d'une autre sur sa sœur, la Malibran, reine de l'opéra romantique, chez Pygmalion. À lire aussi, Pauline Viardot, 100 ans après, dirigée par Alexandre Zygielski chez L'Armatan. Et merci à France Bleu Loire-Océan. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous évoquerons une des personnalités les plus importantes de la décolonisation au XXe siècle, Ho Chi Minh, le père de l'indépendance vietnamienne, qui en 1908 à 18 ans avait quitté Saïgon sur un cargo à la découverte de la France, avant quelques années plus tard d'embrasser la cause du Comintern. Ho Chi Minh, une jeunesse française, c'est dimanche prochain dans Autant en importe l'histoire. Mais tout de suite après le flash, bien sûr, vous avez rendez-vous avec Edouard Baird, Lumière dans la nuit. Excellente soirée sur France Inter.